الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل بحول الله جل وعلا قراءتنا في هذه المقدمة المباركة النافعة التي كتبها وألفها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. Donc on va continuer les frères. Donc on est toujours sur l'explication de l'introduction d'Ibn Abi Zayd. Et on s'est arrêté à l'explication des propos hein, lorsque l'auteur dit: et il ne médite pas sur la nature de son essence, ils ne peuvent embrasser de sa science ce qu'il veut, son siège s'étend sur plus que les cieux et la terre, dont la préservation n'est en rien pesante pour lui. Et la fois dernière, donc, on était en train d'expliquer le passage, hein, ce passage. Et on avait dit que donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous avait mentionné certains hadiths relatant l'immensité du Kursi, ce qui prouvait l'immensité aussi du trône, à l'arche, du fait que le trône est plus immense encore que Al-Kursi. Et si on démontre ici l'immensité du Kursi, alors ici ça démontre aussi la grandeur du trône sublime et majestueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que on avait dit dans le cours précédent que les savants de la Sunna ici mentionne bien cette différence qu'il y a entre Al-Kursi, ce qu'on nomme Al-Kursi, et ce qu'on appelle Al-Arsh, qui est le trône. Ce sont deux choses différentes. Al-Kursi n'est pas le trône. Et c'est pour cela que, dans un récit, on avait relaté la fois dernière, que lorsque il y a comparaison entre Al-Kursi et Al-Arsh, le trône, on voit la différence, et de ce fait, il y a un hadith qui est célèbre, hein, on avait dit qu'il est rapporté par Abu Nu'aym, et qui est authentifié par l'imam al-Albani, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, une traduction relative, que les sept cieux comparés au Kursi ne sont que comme un anneau de fer qui serait jeté dans le désert. Donc ça, c'est la comparaison des sept cieux par rapport à Al-Kursi. Et pour comprendre, beaucoup de savants disent que Al-Kursi, c'est le repose-pied. Et de ce fait, il s'appuie sur un athar qui est attribué à Abdallah ibn Abbas et que les savants authentifient. Attribuant ce athar à Abdallah ibn Abbas. Comme dans son commentaire, Cheikh Abd al-Masih al-Abbad va parler de ce athar de Abdallah ibn Abbas en disant qu'il est bon et jugé authentique. Et c'est pour cela qu'aussi on a d'autres athars, on a des paroles de tabi'in sur ce sujet. Donc, dans ce hadith, il est dit, lorsque les sept cieux sont comparés au coursi, alors c'est comme si, par exemple, vous prenez un anneau de fer, et cet anneau de fer serait jeté dans le désert. Le désert. Cet anneau de fer, ici, cet anneau est infime. Est infime par rapport à l'étendue du désert. Et là, on voit, là, ici, la différence, hein, entre les sept cieux et Al-Kursi. Malgré, hein, malgré l'immensité des sept cieux aussi. Et entre chaque ciel, on a dit 500 ans de marche, comme c'est relaté dans certains récits. Malgré, pour nous, là, l'immensité. Et cet espace immense, cette création immense, malgré cela, eh ben, les sept cieux sont équivalents à un anneau de hadid, de fer, qui serait jeté dans le désert. Ça, c'est par rapport au Kursi. À ce que les savants nous enseignent, ça serait expliqué comme repose-pied. Et donc, par rapport au arche, maintenant, à l'arche, le trône. Dans le hadith, ensuite, il est dit, et la grandeur du trône par rapport au coursier est comme celle de ce désert par rapport à l'anneau de fer. Et de même, maintenant, on voit la différence qu'il y a entre El Coursier et El Arche, le trône majestueux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait aussi, on avait terminé la fois dernière en expliquant un hadith qu'avait mentionné Cheikh Al-Fawzan dans ce commentaire. Il avait dit que, dans ce hadith, il était dit que les sept cieux comparés au Kursi, ça serait comme sept darahim, sept dirhams qui seraient jetés dans ce qu'on appelle At-Turs. At-Turs, on avait dit que c'était cet endroit où parfois les gens rangeaient leur épée ou bien autre chose. Et c'était fait de cuir ou de peau. C'était fait de peau ou bien parfois en bois. C'est comme si on jette sept pièces. C'est comme si ici, dans ce récit, les sept cieux sont comparés à sept pièces. Un ciel pour une pièce. Ce serait comme si. Ensuite, en ce qui concerne l'authenticité, Wallahu A'lam, ceux qui ont fait la vérification dans l'édition du livre que j'ai, eux disent que c'est rapporté dans le tafsir de At-Tabari. Dans le tafsir de At-Tabari. Ensuite, il faut vérifier l'authenticité du récit. Ala kulli hal, dans tous les cas, Cheikh Al-Fawzan le mentionne ici. Donc, on s'est arrêté la fois dernière ici en parlant justement de la grandeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on continue. Pour cela, Cheikh ensuite continue, il dit: فَهَذَا بَيَّنَ لِعَظَمَةِ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. Qu'est-ce qu'on conclut maintenant? Maintenant qu'on a parlé de la grandeur, l'immensité, par exemple, du Kursi. Et déjà, l'immensité du Kursi par rapport aux sept cieux, les sept cieux qui sont immenses. Ensuite, donc, cela nous prouve encore la grandeur et l'immensité du trône. Du fait que El Kursi comparé au trône, eh ben, et on va dire minime, ça par rapport à la grandeur et l'immensité du trône. Et à savoir que aussi bien le Kursi que le trône font partie de la création d'Allah, sont des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit cela, si on a compris l'immensité de cette création, on se rendra compte donc de l'immensité du Seigneur, de ce créateur. Donc, vous avez vu ça? C'est des choses à méditer, c'est des choses à méditer. Et lorsqu'on médite, on se rend compte ensuite de l'immensité, de la grandeur du créateur, subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé cette immense création. Et Shir nous dit: فَكَيْفَ بِعَظَمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَالْكُرْسِيُّ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ. Regardez, il dit, le coursier, maintenant on peut rester sur le terme en arabe, hein, on n'a plus besoin de le traduire, on vient de l'expliquer précédemment. Donc il dit, le coursier, il est au-dessus des cieux. Et donc au-dessus des cieux, il y a bahr, il y a une mer. Et il dit, thumma fawqa al-bahr, et au-dessus de cette mer, il y a el coursier. Et ensuite, il va dire, thumma fawqa al-kursi, Et au-dessus du coursi, il y a l'arche. Il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est au-dessus du trône. Allah s'est élevé au-dessus de son trône, s'est établi, si vous voulez, sur son trône subhanahu wa ta'ala. Yani mustawi ala arshihi jalla wa ala. Alin ala makhluqatihi subhanahu wa ta'ala. Donc Allah jalla wa ala est au-dessus de toutes ses créatures subhanahu wa ta'ala. Allah est élevé au-dessus de toutes ses créatures jalla jalalu. Wa ma'a uluwihi wa irtifa'ihi la yakhfa 'alayhi shay'un fil ard wa la fis sama'. Fa'ilmuhu fi kulli makani subhanahu wa ta'ala la yakhfa 'alayhi shay'un fil ard wa la fis sama'. Et malgré le fait, le cheikh nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de toutes ses créatures, ça n'empêche pas que rien ne lui échappe. C'est ça qu'il nous explique ici, Ashir. Malgré le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus haut. Et cela comme lorsqu'on glorifie Allah jalla wa ala dans toutes les prières, lorsqu'on est en prosternation et on glorifie Allah, on dit gloire à celui qui est Al-A'la. Al-A'la qui est le plus haut. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut, eh ben, ça n'empêche pas que Allah jalla wa ala, rien de lui échappe. Il cerne tout de son savoir, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire son savoir cerne tout. Allah sait tout, subhanahu wa ta'ala. Et Shir ici, pour bien illustrer ça et démontrer ça, Shir al-Fawzan, hafidallah, il mentionne le verset 59 dans Surat al-An'am. Le verset 59 dans Surat al-An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ illa fi kitabin mubin. Allah dit dans un verset, le verset 59, que c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Subhanahu wa ta'ala. Nul autre que lui ne les connaît. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va dire, et il connaît ce qui est dans la terre ferme. Ça a été traduit de cette manière. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Tout ce qui se passe sur terre, Allah Jalla wa Ala en a connaissance. Rien ne lui échappe. Tout ce qui se passe dans le monde marin, dans les mers, dans les océans, tout ce monde marin, le monde terrestre, le monde céleste, Allah Subhanahu wa Ta'ala a connaissance de toutes choses. Ça, c'est la croyance des musulmans. A connaissance de toutes choses, Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah aussi, dans ce verset, dit, et là, ça va bien démontrer ici l'immensité du savoir et de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est illimitée, qu'on ne peut concevoir ici et qui n'a pas été précédée de l'ignorance, contrairement à l'être humain. L'être humain, c'est pour ça que le créateur n'est pas comparable à la créature. L'être humain, pour savoir une chose, pour avoir la connaissance d'une chose, il a dû apprendre. Donc son savoir a été précédé par l'ignorance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a toujours su. Et il sait et il sera toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, regardez, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il le sache. Vous avez vu dans le verset? Et ça démontre vraiment que rien n'échappe à la connaissance, au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah jalla wa ala le sache. Wala habba. Wala habba. Yani al habba, c'est un grain. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Il n'y a pas un grain dans l'obscurité de la terre. Ou les abîmes de la terre. Ici, le traduit ce que, et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Et même une graine dans les ténèbres de la terre, imaginez-vous, cela n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Wala ratb. Wala ratbin. Ratbin, c'est quelque chose de d'humide, de mouillé, d'humide. Wala yabis. Yabis, que ce soit quelque chose d'humide, de mouillé ou de sec, Allah dit, illa fi kitabin mubin. Il le traduit ici, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec. Il le traduit de cette manière, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et ça, ça prouve ici l'immensité du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, la fois dernière, on avait l'auteur du fait qu'il a utilisé une partie du verset du Kursi, et dans ce verset, on avait lu qu'Allah Jalla wa Ala disait Subhanahu wa ta'ala, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Son trône, Al-Kursi, vous avez vu, ils avaient traduit le trône Kursi. En réalité, le trône, c'est Al-Arsh. Donc, Al-Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand, Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. Vous avez vu, c'est dans le verset aussi de Ayat al-Kursi. Dans le verset qui veut dire وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. Le Cheikh nous dit يَعْنِي لَا يُثْقِلُهُ حِفْظَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Pour lui, la préservation des cieux et de la terre ne lui coûte en rien. C'est pour ça qu'ils ont traduit de cette manière le Ayat al-Kursi, le passage وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas quelque chose de thaqil, de lourd, ça ne lui coûte rien, la préservation et la garde des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ يَحْفَظُهَا وَيَحْمِلُهَا بِقُدْرَتِهِ subhanahu wa ta'ala. Donc Allah préserve les cieux et la terre. Et Shir nous dit, وَيَحْمِلُهَا, et Allah porte cela, et cela ne lui est point difficile, subhanahu wa ta'ala. Et Shir va mentionner ensuite le verset 41 de la sourate Fatir, qui est traduit par la sourate du Créateur. Dans ce verset, Allah dit, et Shir Fawzan, le commentateur, s'appuie sur ce verset, lorsqu'une traduction relative dit, lorsqu'Allah dit, إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يَزُولَ أَوْ أَنْ تَزُولَ. La traduction, certes, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui, ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur, en traduction relative, du sens du verset. فهو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته ولا تكلفه شيئا ولا يؤوده يعني لا يعجزه ولا يثقله حفظهما أو حفظهما. C'est pour cela que pour lui, le maintien des cieux et de la terre pour Allah, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une lourde charge. لا تكلفه شيء. Ce n'est pas une lourde charge. C'est pas un lourd fardeau. C'est quelque chose de aisé pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme cela, on comprend dans le verset, Ayatul Kursi, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. Du fait que, لَا يُعْجِزُهُ. Rien ne peut mettre Allah, Jalla wa Ala, dans l'incapacité. Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Allah, il dit, وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah est capable de faire toute chose. Et وَلَا يُثْقِلُهُ حِفْظُهُمَا. Et c'est pour cela que, aussi, le maintien de ces cieux et de la terre n'est pas quelque chose de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, maintenant, va mentionner des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on revient au texte initial, hein. la parole de l'auteur, qui est Ibn Abi Zayd. Donc ensuite, il dit, dans l'Aqida, donc après qu'il ait dit, « وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا » Vous avez vu, il a utilisé une partie du verset, Ayat al-Kursi. Pour ça, je vous ai traduit précédemment Ayat al-Kursi. Donc il a utilisé dans son texte Ayat al-Kursi lorsqu'il dit « وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا » Ensuite il dit, et on va reprendre à partir de ça, « وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَالِمُ الْخَبِيرُ الْمُدَبِّرُ » Donc là, il va citer, mentionner des noms d'Allah. Elle continue, « Al-Qadir, Al-Samir, Al-Basir, Al-Aliyu Al-Kabir. » Donc il va mentionner que Allah, il est Al-Ali, Al-Azim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Mudabbir, Al-Qadir, Al-Samir, Al-Basir, Al-Aliyu Al-Kabir. Cheikh nous dit, maintenant dans l'explication de ce que je viens de vous lire, Cheikh Fawzan nous dit Al-alim bi kulli shay, khabir bi kulli ahwali makhluqatih. Al-alim, c'est-à-dire Al-alim, celui qui a la connaissance de tout. Celui qui a la connaissance de tout, c'est-à-dire souvent en français c'est traduit par l'omniscient, dans une approche, une traduction rapprochée. Comme on a souvent dit, traduire les noms d'Allah n'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple. Parfois, c'est le sens qui est traduit. Le sens qui est traduit. Et donc, Al-Alim. On voit qu'ici, donc, c'est le nom qu'a mentionné l'auteur. Il dit Al-Alim. Al-Alim. Et dans son commentaire, lui, Cheikh Abdelmohsen Al-Abbad, mentionne qu'il y a une autre version. Il y a une autre version. Qui dit fi ba'd nusakh dans d'autres versions qui stipulent qu'il c'est al-alim, al-alim, c'est-à-dire la différence al-alim avec le alif, hein, ou sinon al-alim, al-alim. Et al-alim, il dit lui dans son commentaire sur Ibn Abbad, il dit de mentionner al-alim de cette manière, vous voyez bien la distinction qu'il y a entre Al-Alim, Al-Alim et Al-Alim. La différence qu'il y a entre les deux, du fait que Al-Alim est souvent mentionné dans le Coran. Est souvent mentionné dans le Coran, comme il dit Al-Awwal an Al-Alim, parce qu'il dit Al-Alim awla li amrayn. Pour deux choses, il dit que utiliser Al-Alim, c'est Aoula. C'est, on va dire, prioritaire. Pour deux choses. Il dit, Al-Alim, ja'a fil Qur'an kathiran mutlaqan, ghir muqayyad. C'est que le nom Al-Alim vient souvent dans le Coran d'une manière absolue. Il n'est pas lié. Il n'est pas suivi. Amma Al-Alim, fayati fil Qur'an muqayyadan bi'ilm al-ghayb. Tandis que Alim, vient dans le Coran, mais souvent il est lié, il est suivi du terme al-ghayb, la science de l'invisible. Ce qui veut dire connaisseur de l'invisible ou de l'inconnaissable. Donc souvent il dit alim, ici, vient et il est lié au terme ilm al-ghayb. Tandis que al-alim, lui, est mentionné dans le Coran d'une manière absolue. Sans qu'ils soient liés un à autre. Comme par exemple dans le verset lorsqu'Allah dit Alimul ghaibi wa shahada. Alimul ghaibi wa shahada. Connaisseur de l'invisible, traduction relative, wa shahada til azizul hakim. Et par exemple dans un autre verset, où Allah dit Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. وقوله عالم الغيب dans un autre verset. Donc on voit عالم ici est souvent lié à l'invisible ou l'inconnaissable. Deuxièmement, il dit والثاني انه ياتي في القران كثيرا اقتران اسم العليم باسم الخبير. مع تقدم اسم العليم كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Vous avez vu dans ce verset, une traduction relative du verset, lorsqu'Allah dit « Certes, le plus noble auprès d'Allah, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux, celui qui fait plus preuve de crainte. »« Inna Allaha alimun khabir. » Là, vous avez vu son nom, l'un de ses noms qui est mentionné, « Alim », et là, il est suivi de « Khabir ». Il est suivi de « Khabir ». Donc, il dit, dans le Coran, on trouve souvent que le nom Alim est suivi de Khabir. Et de ce fait, on voit أنه يأتي في القرآن كثيرا اقتران اسم العليم باسم الخبير الخبير. Et pourquoi Shir dans son commentaire stipule ce point-là en disant donc que Alim, dans certaines éditions, certaines nusakh, c'est le nom Alim qui est mentionné. Il mentionne ce deuxième point, pourquoi il insiste que dans le Coran, Alim est suivi souvent par le nom Khabir. Pourquoi il mentionne ça, vous savez? Parce que regardez dans le texte, lui-même l'auteur l'a fait suivi. Il a dit Alim, regardez, il dit « Wa huwa al-aliyyul azim al-alimul khabir » Alors que dans le Coran, c'est souvent le nom Al-Alim qui est suivi de Al-Khabir. Vous avez cette observation de, c'est pour ça que je voulais vous faire partager cette faïda que rapporte Cheikh Abdel Mohsen Abed dans son commentaire. On revient maintenant. Ensuite, l'auteur dit Al-Mudabbir li-makhluqati fala yataharraku shay. Ensuite, l'auteur a cité le nom, ou plutôt le terme, Al-Mudabbir, et Al-Mudabbir, c'est celui qui administre tout, c'est celui qui gère tout. C'est pour cela qu'ici, ils l'ont traduit par, alors ils ont traduit les noms cités par Il est le suprême, l'immense, le savant, le très informé, le décideur. Ils ont traduit par le décideur. Al-Mudabbir, c'est celui qui administre tout. C'est celui qui gère tout. Toute la création. Toutes ses créatures. Et de ce fait, là, Cheikh nous dit, Cheikh Fawzan dit, « La yasqutu shay, wa la yartafi'u shay, illa bi'idhnihi » Subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose, par exemple, qui tombe, une chose qui s'élève, si ce n'est avec sa permission. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur aussi dit Al-Qadir. Al-Qadir, c'est celui qui a cette immense puissance. Cette puissance, cette capacité immense. Ay azim al-Qudra. Fahadi siratul mubalara. Si vous voulez, c'est comme un superlatif. Siratul Mubalara. Al-Qadir, c'est vraiment celui qui a une puissance immense. Et Fahadi Siratul Mubalara, Fahu Alladi, La Yu'jizu Shay, Fil Ardi Wala Fis Sama. Et c'est celui dont personne ne peut réduire à l'incapacité dans son royaume, dans les cieux ou sur terre, Subhanahu wa Ta'ala. Il a cette puissance parfaite, cette capacité parfaite, subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alayhi shay'un fil ard wa la fis sama. Et de ce fait, il dit, et il réitère à Shir, que de ce fait, rien ne lui échappe. Tout ce qui se passe dans les cieux ou sur terre, rien ne lui échappe, et on en a discuté dans ce qui a précédé. Famasha'a kan. Famasha'a, il dit kan. Il dit, ce qu'Allah a voulu, fut. Et il dit, wa man lam yasha' lam yakun. Et ce qu'Allah n'a point voulu, ne fut point. C'est-à-dire, lorsqu'Allah veut une chose, elle est. Et lorsqu'Allah décide autrement, il en est autrement. Et Shir ensuite nous dit, أَمَّا الْمَخْلُقْ فَقَدْ يَشَّ شَيْئًا وَلَكِنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. Tandis que la créature, les hommes, les humains, ils peuvent parfois vouloir une chose, mais ils n'ont pas la capacité d'exécuter cette chose ou la capacité de faire que cette chose se réalise. Contrairement au Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on ne peut jamais comparer le Créateur avec sa créature. Subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, Cheikh ensuite nous cite un verset et il dit « Innama amruhu idha arada shay'a an yakula lahu kun fayakun » Et l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala est que lorsqu'il dit une chose soit, elle est. Kun fayakun. Lorsqu'Allah veut une chose, décide d'une chose, il dit kun, soit et elle est. Elle se réalise. Elle est existante. Est-ce que quelqu'un peut s'associer à Allah dans ce pouvoir? C'est un pouvoir immense. Le fait qu'Allah dise kun fayakun. Lorsqu'Allah décide une chose, idha sha'a, insha'a shay'an, shay'an plutôt, lorsqu'Allah veut une chose, il dit kun fayakun. Et elle est. Lorsqu'il décide qu'une chose ne doit pas exister, elle n'existera point. Est-ce que quelqu'un peut s'associer à Allah dans cela? Là, la ahad. Personne n'a ce pouvoir de dire soit et elle est. Personne parmi ses créatures. Et Allah n'a donné ce pouvoir à personne. Et s'il veut, Allah Jalla wa Ala peut donner ce pouvoir à qui il veut. Mais ça appartient subhanahu à lui, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il décide, lorsque Jalla wa Ala veut une chose, il l'ajuste, il dit kun fayakun. Taïb. Et ben vous savez, même avec cela, avec ces enseignements, on a même avec le temps, et ben des hérétiques sont apparues, certaines doctrines sont apparues, comme on avait déjà dit, hein, parmi les doctrines s'affiliant à certaines confrères extrémistes du soufisme, par exemple, certains d'entre eux ont donné ce pouvoir à certains adeptes et certains disciples, ont donné ce pouvoir par exemple à leur maître. Et on pensait que leur maître, ils ont atteint un niveau que lorsqu'ils disent une chose « kun », elle est. Ils disent une chose « soit » et elle est. Et même certains, vous allez voir, certains extrémistes soufis ont revendiqué cette chose pour leur mashayikh, pour leur maître. Donc certains, comme j'ai dit, certains disciples l'ont revendiqué pour leur maître et certains maîtres se sont revendiqués cette chose. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint un haut degré. Tout ça fait partie des hérésies qui sont apparus plus tard avec le temps. Fahuwa qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Ya'muru shay' fayujidu bi mujarrad an ya'mura. Yaqul li shay' kun fayakun. Tayyib. Ensuite l'auteur continue, il dit alors wa huwa al-ali al-azim al-alim al-khabir al-mudabbir al-qadir al-sami' al-basir al-ali al-kabir wa annahu fawqa 'arshi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makan bi 'ilmihi subhanahu wa ta'ala. L'auteur continue et là regardez ce qu'il dit après avoir mentionné certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, il a mentionné Al-Alim, comme dans certains, on a dit certaines nusra, comme le dit Cheikh Abdel Mansour Abed dans son commentaire. Il a mentionné Al-Alim, Al-Khabir, Al-Qadir, qui font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné aussi Al-Sami', Al-Basir. Al-Samir, celui qui, traduction relative, celui qui entend tout. Al-Basir, celui qui voit tout. Al-Aliyu, le très haut. Al-Kabir, le grand. Subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, il a mentionné des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne Al-Mudabbir, Cheikh Abd al-Muhsin, hafidahullah, dans son commentaire, il dit « Fala a'lamu ma yadullu ala annahu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala » وقد جاء وصف الله تعالى بالتدبير كما هو جاء في كتاب الله جل وعلا. Lui, Cheikh Abd al-Muhsin Abed, nous dit que en ce qui concerne Al-Mudabbir, il dit que il ne connaît pas de choses qui indiqueraient que Al-Mudabbir ferait partie des noms d'Allah. Sauf que Allah dans le Coran est décrit. فَقَدْ جَاءَ وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّدْبِيرِ. Allah était décrit du fait que dans le Coran, du fait qu'il administre tout, subhanahu wa ta'ala, et Allah gère tout. بِالتَّدْبِيرِ. Donc ça c'est ce que mentionne Shamdan Salah Bed dans son commentaire. Et après avoir mentionné donc certains des noms sublimes d'Allah, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ensuite. Et il dit, il est par son essence sur son trône glorieux et par sa science en tout lieu. Donc là maintenant, il va soulever une question importante. Et de ce fait, dans ce passage, on voit vraiment que l'auteur Ibn Abi Zayd ici professe la croyance des gens de la Sunna et des pieux prédécesseurs. Là, il y a une preuve. Pourquoi ? Parce que là, il confirme qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône. Regardez ce qu'il dit. Il dit wa annahu fawqa 'arshi. Fawqa 'arshihi al-majid bi dhati wa huwa fi kulli makanin bi 'ilmihi. Il va professer ici le fait qu'Allah soit au-dessus, il s'est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, il dit qu'Allah est au-dessus de son trône, bidhatihi. C'est pour cela que Cheikh Issi al-Fawzan, lorsqu'il va nous expliquer, al-istiwa, parce que là, l'auteur fait allusion à l'attribut, l'un des attributs d'Allah qui s'appelle Al-Istiwa. Al-Istiwa, si vous regardez dans le sens en langue arabe, parce que nous, ce qu'il nous faut comprendre pour comprendre la croyance des gens de la Sunna, c'est comprendre les termes en arabe à travers leur vrai sens. Et si vous regardez, par exemple, Al-Istiwa, les grandes références de notre communauté, les grands savants qui étaient ancrés dans la compréhension de la langue arabe ont défini le terme al-istiwa bimarna ala wartafa'a wastaqar. On définit l'istiwa comme étant dans le sens de s'élever, s'établir, être au-dessus de, s'élever. Comme cela. C'est plus tard, vous savez, quand il y a eu des influences extérieures, et les musulmans se sont mélangés à d'autres peuples, avec d'autres peuples, des peuples d'autres nations aussi, qui étaient de d'autres confessions, et parfois ces autres nations aussi ont embrassé l'islam, mais ensuite ils sont rentrés dans l'islam avec leurs anciennes croyances. Donc leur islam était influencé par ces anciennes croyances. Donc il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de paramètres qui font que, à un moment donné, avec cette influence extérieure, ce mélange, les musulmans ensuite se sont mélangés, etc. Même la langue arabe, chez beaucoup d'arabes, il y a eu une influence extérieure. Donc certains termes arabes, certains comprenaient certains termes d'un autre sens en réalité qui était connu chez les premiers musulmans et les premiers arabes. Et ça c'est connu. Ça veut dire que même les termes dans la langue arabe, il faut revenir à la source. Pour toujours bien comprendre et ne pas aller dans d'autres croyances ou autres, il faut toujours revenir à la source. Regardez par exemple, à l'époque de l'imam Shafi'i, il était célèbre que l'imam Shafi'i a passé plus de 10 ans dans une tribu, et de ce fait, il est dit qu'il est sorti de cette tribu en étant très fort dans la langue arabe. Pourquoi ? Parce que c'était connu à l'époque que les tribus qui étaient éloignées, et qui étaient un peu isolés du monde extérieur, avaient préservé la pureté de la langue arabe. C'était célèbre. Lorsque les imams à l'époque voulaient apprendre la langue arabe et s'ancrer dans la langue arabe, et apprendre cette pureté de la langue arabe, ils revenaient justement, ils allaient s'installer, et ils restaient dans ces tribus éloignées qui s'étaient isolées du monde extérieur, du fait que leur langue n'a pas été entachée. Leur langue n'a pas étaient mélangés. Ils ont gardé cette pureté, la pureté de la langue. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, c'est connu, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on vous dit. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, vous allez dans la péninsule arabique, en Arabie, vous allez voir certains, par exemple, certains Saoudiens, parce que ceux qui vivent maintenant dans la péninsule arabique, au Najd et Al-Hijaz, ce sont des Saoudiens. Eh bien, vous allez voir que même eux le disent, ils ont une expression lorsqu'ils parlent entre eux, ils disent « les gens de la terre ne sont pas comme les gens de la mer ». Les gens de la terre ne sont pas comme les gens de la mer. Ils font allusion à quoi ? Ils font allusion par exemple à certains de leur peuple, hein, certains Saoudiens qui habitent par exemple, certains Arabes qui habitent à Jeddah, dans ces terres où il y a la mer, et plutôt d'autres terres, les gens de la terre, ils considèrent ceux qui sont dans le désert, qui sont reculés, qui sont isolés. Qui sont isolés. Il disait par exemple, les gens de Jeddah ont justement été jetés par cette influence extérieure. L'influence extérieure du fait qu'il y a la mer, donc il y a des voyageurs, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui s'installent, du fait que c'est à proximité de la mer. Donc beaucoup de gens viennent, s'installent, donc ensuite il y a un mélange, même la langue parfois vient se mélanger, les mœurs se mélangent, les mentalités se mélangent, les différentes croyances se mélangent. Pourquoi ? Parce que de différents peuples viennent. Sauf que eux, ils disent, les gens de la terre sont pas comme les gens de la mer, en illustrant ici le fait que ceux qui sont éloignés, isolés, n'ont pas été touchés par cette influence extérieure. Et de ce fait, on revient à notre sujet, la langue arabe, eux, les grands imams sont restés à travers l'apprentissage des sources. C'est pour ça que pour comprendre les termes en arabe, on revient à la source. À l'istiwa, regardez, même dans l'authentique de l'Bukhari, vous allez voir. Dans l'authentique, il y a un chapitre dans Kitab al-Tawhid qu'il y a dans Sahih al-Bukhari. Vous allez voir qu'à un moment, il y a un chapitre dans Kitab al-Tawhid où que lui-même, il va mentionner le sens de l'istiwa. Ba'ala wa rtafa'a. C'est connu. Revenez à la définition qu'a donné Mujahid, par exemple. Mujahid, l'un des grands élèves et adeptes, disciples plutôt, disciple d'Abdallah ibn Abbas, Mujahid, et d'autres célèbres. Et Abu al-Aliya, par exemple, qui le définit aussi, en disant le sens de l'istiwa, ala wa rtafara. Donc l'istiwa n'a pas, comme cela a été dit plus tard, ensuite, des défractions, des doctrines hérétiques qui sont apparues plus tard, qui n'ont pas voulu accepter le vrai sens de l'istiwa. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, ils se sont donné un fardeau. Ce fardeau, ils ont porté un fardeau que les premières générations n'ont pas porté. Lorsque leur est venu le terme l'istiwa, et on voit dans plus de 7 passages du Coran, le terme istiwa dans 7 versets est mentionné. Allah, istawa ala arshi. Il s'est élevé au-dessus de son trône. C'est ça le sens. Il s'est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Ces versets étaient lus à l'époque du prophète, alayhi salam. Les compagnons ont compris aussi de cette manière. Il n'y a pas d'interprétation de ces versets qui nous sont apparus à l'époque des compagnons du prophète. Et leurs disciples, leurs élèves ont compris de la même manière. Plus tard, lorsque les musulmans ont hérité d'une certaine philosophie, de la dialectique, de la science de la spéculation, ensuite ils ont essayé de comprendre d'une autre manière. Sinon on veut rester sur une croyance pure, qu'est-ce qu'il faut ? Tout simplement revenir à la source. Et vous savez, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, même des non-musulmans, dans un domaine, lorsqu'il va rester sur connaisseur du domaine, ils disent qu'il faut revenir à la source. À la source, pour toujours rester vraiment fidèle et honnête. Nous, dans tous les domaines, si vous voulez être fidèle et honnête, il faut toujours rester et revenir à la source. Dans le domaine de la religion, de la croyance, pour rester fidèle aux enseignements du messager d'Allah, eh ben, il faut revenir ici à la source. Comment les termes étaient compris à cette époque chez les Arabes ? Que 2, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles, 6 siècles après, des gens ont été influencés par une influence extérieure ou autre, il y a beaucoup de paramètres comme on a dit précédemment, ça c'est leur affaire. Mais celui qui est sincère, ensuite il faut faire un choix. Celui qui maintenant il veut être philosophe, il dit moi je veux adhérer à une croyance du 6e siècle, mon but c'est pas d'adhérer et de professer la croyance du messager et de ses compagnons, c'est son choix. Mais ils ne peuvent pas nous imposer et nous dire que la croyance de ces hommes-là, de ces philosophes ou des gens de la dialectique ou autres, c'est la croyance du prophète et des compagnons, la croyance des gens de la sunna, là. Là, celui qui est sincère, qui veut être honnête et fidèle, il sait qu'il doit revenir à, il doit revenir à la source. C'est pour ça que les paroles des savants, c'est toujours quoi? De revenir à la source, de comprendre les termes dans la langue arabe. Des gens, plus tard, les siècles après, sont apparus. Mais on ne peut pas dire qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Mais pourquoi? Bah parce que si on dit qu'Allah s'est élevé, c'est un mouvement. Et tout mouvement a besoin d'un corps. Et tout corps est créé. Vous avez déjà lu des textes de compagnons, de leurs successeurs, de leurs élèves, parler de cette manière? Pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit précédemment, ils ont porté un fardeau et se sont alourdis la tâche. Ils sont allés dans des domaines lorsqu'ils ont hérité d'une certaine philosophie. Ils sont allés dans des domaines. Alors, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Même ça, ils l'ont réfuté. Qu'Allah est capable de tout. Ils ont dit, on ne peut pas le dire. Pourquoi? On verra ce sujet-là plus tard. Je ne veux pas rentrer dans d'autres sujets ensuite qui peuvent émettre des ambiguïtés. Dans tous les cas, ils réfutent des choses claires qui sont dites dans le Coran. Ils vont très loin, ils vont très très loin dans leur manière d'argumenter et de justifier cela. Pour cela, à un moment donné, le terme istiwa leur posait problème. Comment comprendre ce terme? Alors ils ont essayé de falsifier, aussi bien le sens, et on a dit la falsification peut être une falsification du sens comme une falsification de l'énoncé en lui-même. Ils ont même essayé de falsifier l'énoncé en lui-même, en rajoutant al-lam, en disant istaoula, istaoula. Et lorsqu'ils ont vu qu'il n'était pas possible, il n'était pas possible de falsifier l'énoncé, l'ordre, donc ensuite ils ont falsifié le sens. Donc ils n'ont pas pu lire le verset istaoula. Donc ils ont dit le sens d'istiwa, c'est le sens de istaoula. Ça leur a posé problème. Mais pourquoi ça vous pose problème alors que ça n'a pas posé problème aux premières générations? Et il est même rapporté que l'un de leurs maîtres, que l'un des hérétiques qui était l'une des têtes à l'époque, à un moment donné, tellement que ce mot, el-istiwa, lui causait problème et lui posait problème, et ne voulait pas adopter le sens initial, il leur a même mis un coup de pied au Coran. Tellement que cela lui posait problème. Alors ils ont dit, et comme ils disent aussi certains à l'époque, hein, qui ont hérité de cette science-là, de Ilm al-Kalam, ils ont dit, al-istiwa bimana istawla, dans le sens de conquérir, dominer. Conquérir, dominer. Ce n'est pas s'être élevé. Conquérir, dominer. Mais même cela, les savants ont dit, attention, vos interprétations ont des implications. Et ces implications-là sont très graves. Pourquoi? Si vous dites que l'istiwa, ça serait dans le sens qu'Allah a conquis ou dominé, donc le trône. Le trône. Ça voudrait dire qu'il y avait un autre sur le trône. Donc Allah a conquis le trône. C'est-à-dire qu'il y avait un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a dominé. C'est très grave. Donc même leurs interprétations induisent et sous-entendent des implications que même le sens est grave. C'est pour ça qu'il faut toujours rester à la source. Il faut rester à la source. Il faut rester aux enseignements. Ensuite, que chacun soit honnête et que chacun soit fidèle. S'ils veulent s'accrocher à un homme qui, lui, a établi une nouvelle croyance, c'est leur problème. Et qu'ils le disent. Ou s'ils veulent s'accrocher à une doctrine ou un courant qui a été fondé, qui a été bâti sur, comme on a dit précédemment, sur une théologie spéculative ou sur l'art de la rhétorique ou sur Ilm al-Kalam, aussi ça c'est leur affaire. Mais celui qui veut la croyance que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé, nous a enseigné, cette croyance qui nous est enseignée dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, alors il faut revenir aux sources. Il faut prendre donc notre science de nos salafs. Et on le dit. Ensuite, certains disent, et à l'heure actuelle, beaucoup, hein, beaucoup diffusent une ambiguïté. Ils disaient, suivre la voie des salafs, ça mène à l'excès et à l'extrémisme. Et c'est pour cela que beaucoup de khawarij, Et ça, c'est une ambiguïté que beaucoup essayent de propager. C'est pour ça, ensuite, beaucoup, ils ont peur à l'heure actuelle du manhaj de nos pieux prédécesseurs. Ils disent, At-takfir, wal-khawarij à notre époque, eux, en réalité, c'est le fait d'avoir suivi le manhaj des salafs, c'est ça qui les a menés vers At-takfir. Vous savez, ceux qui professent ça et qui disent ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Alors, certains n'ont rien compris. Certains sont malhonnêtes. Certains sont malhonnêtes, pour cela ils disent cela. Pourquoi ? Parce que justement, celui qui suit la voie des pieux prédécesseurs, lui va être épargné. Il va se préserver justement de sombrer et d'adhérer à une doctrine qui a émergé plus tard. Par exemple, on voit que les compagnons ont été épargnés de sombrer dans la bid'a de Al-Khawarij. Est-ce que Al-Khawarij ne suivait pas le même livre que As-Sahaba à l'époque ? Il y avait Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Omar, il y avait Sahaba. Al-Khawarij, ils suivaient quel livre? Ils avaient rédigé un nouveau livre? Quel livre ils suivaient? Le Coran. Ils suivaient le Coran. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ceux qui suivent les livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim, de Sheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, peuvent dériver, hein, et sombrer dans la dérive de l'extrémisme et de l'Khawarij. Et beaucoup qui sont tombés dans le Tekfir disent qu'ils ont suivi justement les enseignements de Mohammed Abdelwahab et qu'il y a du Tekfir dans ces livres. C'est faux. C'est faux. Et du fait que nous on revient au livre de cet imam et qu'eux reviennent au livre de cet imam, ça ferait qu'on est semblable à eux. D'accord. Donc à l'époque, les compagnons, ils revenaient au Coran. Al-Khawarij, ils prenaient du Coran. Soit les compagnons avaient bien compris, et le Khawarij avait mal compris, soit c'est l'inverse, soit ils avaient compris la même chose. Ce n'est pas possible, premièrement, qu'ils avaient compris la même chose, puisque les compagnons les ont contredits et réfutés. Que le Khawarij ont compris mieux que les compagnons, ce n'est pas possible. Donc malgré qu'ils s'appuyaient sur le même livre et le même texte, El Khawarij ont dévié et se sont égarés. Le Coran, par exemple, met justement à l'abri les gens qui le suivent de ses dérives. Vous comprenez? Donc maintenant, certains jeunes, par exemple, qui se réfèrent à des écrits de l'imam al-Mujaddid, sahib kitab al-Tawhid, ils se réfèrent à ces livres, ensuite ils sombrent dans le tekfir, c'est qu'ils ont mal compris les écrits. Tout simplement. Fadallah Ashir. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة. Donc on continue, on termine, inshallah. Donc c'est pour ça, c'est une grande richesse, un grand bienfait d'Allah, le fait de pouvoir revenir à la source. Et le fait de savoir que dans tous les différents domaines, ce savoir-là justement a été préservé. Par exemple, celui qui étudie le domaine de la croyance, il peut revenir à la source. Question se pose. Beaucoup de nations précédentes, par exemple, parmi eux, s'il y a des gens, par exemple, bien intentionnés et qui veulent comprendre la religion à la source, ou leur croyance à la source, beaucoup, parmi les nations précédentes, ne peuvent pas revenir à la source. Même si certains d'entre eux sont bien intentionnés, ils ont une bonne intention, ils veulent être fidèles à leur religion, par exemple, ils ne peuvent pas revenir à la source. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus justement ces textes, ces livres, ces écrits qui ont préservé leur source. Ensuite, leur source justement, avec des influences extérieures, avec beaucoup de facteurs et de paramètres et beaucoup de causes, leur source qui était pure se sont perdues, ont été égarées, beaucoup ont été falsifiées. C'est-à-dire que même certaines personne parmi les nations précédentes qui voudraient, par exemple, à l'heure actuelle, qui adhèrent à notre profession, qui voudraient revenir à la source de leur croyance, ils pourraient y parvenir. Pourraient y parvenir pour beaucoup d'entre eux. À la différence que, regardez ce bienfait, un musulman qui veut revenir à la source, il peut y accéder. Il peut y accéder. Sahoulala. Il faut revenir au livre de base. Pourquoi ? Parce que toutes ces sciences-là ont été, comme on a dit, préservées et gardées. Vous voulez connaître l'histoire qui concerne, par exemple, la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que sa vie a été préservée ? C'est relaté dans des livres. Fi kutub, avec des récits. Et des récits qui ont été bien étudiés. Et que l'authenticité de ces récits a été prouvée. Donc celui qui veut connaître réellement la vie du prophète, la réelle vie du prophète, ce qui est vraiment confirmé d'une manière authentique du prophète, est-ce qu'il peut le savoir ? Il peut le savoir. Ensuite, la vie des quatre califes bien guidés, l'histoire des quatre califes, l'époque du califat d'Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali. Il peut le savoir ? Naam. C'est vrai qu'il y a des histoires qui sont fausses. Il y a des histoires qui sont racontées de Abu Bakr, de Omar, qui sont fausses. Mais vous, on peut distinguer aujourd'hui entre le faux et le vrai. Pourquoi ? Parce que dans les anciens livres, la différence avec les livres de notre époque, les écrits contemporains, les livres anciens étaient écrits et tous les récits étaient liés à une chaîne de transmission. Ce qui fait que ceux plus tard qui viennent, ils peuvent reprendre ces récits pour ceux qui sont spécialistes, étudier ces chaînes de transmission et pouvoir distinguer entre ce qui est bon, vrai, authentique et non authentique. Ça, par exemple, dans la vie des compagnons, dans l'histoire des différents empires et différentes dynasties, comme l'empire al-Dawla al-Umayya ou al-Dawla al-Abbasiya ou al-Uthmaniya, par exemple. Tous ces différents empires, qu'il y a eu les Omeyyades, les Abbasides, les Ottomans et autres, est-ce que vous pouvez revenir à l'histoire ? Celui qui veut s'approfondir dans la connaissance de l'histoire, est-ce qu'il y a des livres ? Non ! Il y a des grands spécialistes, des savants qui ont écrit des livres et qui ont préservé justement tout ce patrimoine, toute cette histoire. Dans le domaine de l'aqida, pareil. Prêche, celui qui veut aqidat des premiers, il y a les livres qui sont là. Celui qui veut la aqida des khalafs, ceux qui sont venus plus tard, les livres ils sont là, c'est à lui de choisir. Mais qui ne disent pas que la aqida des khalafs, c'est la aqida des premiers. Celui qui veut la aqida des doctrines qui sont apparues des siècles après, et qui les veut, il y a des livres. mais qui disent pas que c'est la aqida des premiers. Pourquoi? Parce que la aqida des premiers, elle a été préservée dans des livres. On peut faire la distinction. Les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été préservés, oui ou non? Ils ont été préservés dans des recueils authentiques. Regardez par exemple, Al-Muwatta de l'imam Malik. Comme on a dit, il a une chaîne de transmission qui est en or. Trois hommes entre lui et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La majorité des hadiths, si ce n'est tous les hadiths qui sont dans le Muwatta, la grande majorité sont tous authentiques. Regardez cette richesse. Al-Bukhari, pareil. L'authentique de l'imam Muslim, wa kutub sunan. Des millions de hadiths qui ont été, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été préservés et gardés. C'est une richesse. Sauf que, ça s'appelle comment, mes frères? Ça s'appelle ilm. Ça s'appelle du ilm. Sauf que maintenant, il y a quelque chose. Al-ilm, imma lak, imma alayk. Sauf que la science, elle est soit pour toi, soit contre toi. C'est-à-dire que quand il y a la science, et la science a été préservée, tu n'as pas le droit de ne pas savoir. Il y a des choses que tu peux ignorer, mais il y a des choses de la religion que tu n'as pas le droit d'ignorer. Et si tu les ignores, c'est que tu t'es écarté et éloigné de l'apprentissage. Il y a des choses que tu dois savoir. Man rabbuk. Ce qu'on peut ignorer qui est notre Seigneur, là. Man dinuk. Quelle est ta religion? Tu peux l'ignorer? Non. Tout cela est préservé. Man huwa hada ar-rasul al-musamma bi Muhammad alayhi salatu wa salam. Man huwa? Tu peux ignorer qui est Muhammad? Là. Kul shay mawjoud maktoub fi al-kutub. Tout a été retranscrit, écrit dans les livres. Fahadi ni'matun 'azima. Et ça, c'est un bienfait qui est immense. Celui qui veut connaître l'histoire, il peut connaître, il a juste à apprendre. Celui qui veut connaître la aqida des premiers, celle que le prophète nous a enseignée, il a juste à revenir. Vous savez, les premiers livres qui ont été écrits dans la aqida, c'est avec des chaînes de transmission. Regardez le livre de l'imam Al-Lalakai. De Al-Lalakai, un livre qui a été écrit dans le domaine de la aqida et du dogme. Ce qu'il rapporte, par exemple, les explications des termes de Mujahid, de Taous, des grands imams parmi les élèves d'Abdallah ibn Abbas ou autres, c'est avec des chaînes de transmission. Avec des chaînes de transmission. Fahadi ni'matun azimatun jidda. On va pas trop tarder. Donc demain, Inch'Allah, j'ai laissé, puisque on allait commencer un sujet où Cheikh allait commencer à expliquer c'est quoi sifat al-dhatiya ou sifat al-fi'liya, les attributs d'action et d'essence. Je voulais pas entamer le sujet maintenant. Donc comme ça, demain, quand on commence le cours, Inch'Allah, on pourra commencer directement avec l'explication de ces attributs. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je voulais vous prendre juste une minute. Si juste une ou deux minutes, Inch'Allah, c'est par rapport à quelque chose lié au masjid.